Je revois la jeune idéaliste, dans ses rêves une âme d'artiste, l'esprit libre, le cœur à vif, un beau chaos un peu impulsif. Mais aujourd'hui Lydie, tu es là, tu te tiens la main pas à pas, cette lumière au fond de toi, c'est la douce paix que tu reçois.